Opa! We'll be right back. llegó la dama verde, así que tiene ni para seguirte. Solo llegó la dama verde, se aquí maguito a ti. Chez moi, savez bien que l'amour besoin pas l'argent. Oh ma belle, tu veux me trahir. Où ça va, Kaouyaou? Sois gentil, oh là là, ma belle. Parce que tu ne dis pas la vérité. Sois gentil, oh là là, ma belle. C'est moi qui marie ta fille. Baby, viento. tewu yema no mene bonaloka kukuso dada tewu yema no mene bonaloka ayaba die ayaba die ayaba mi dada je ayaba ayaba die ayaba die ayaba mi dada je ayaba Let's go.